Si, si, pour les MC, qui sont les vrais MC. Ouais, vas-y, explique. Dos en dos y uno. Si hubiese sido una moda mierda no estuviera aquí. Envejezco entre líneas que recuerdan dónde vengo. Lo cierto es que el feña no sirve para relaciones. Orgulloso de gastar mi adolescencia frente a un micro. No quedan alteneros de la talla de los sensis. Tipos que no dudan cuando invocan la verdad. Psicólogos sociales creen saber lo que sienten. Millones de escritores que describen el paisaje. Même si même ça change depuis les boys no hay si mal y pas bien les mèches de vie. Fini les classiques, il m'a dit coup chronique. Ça sent le fric et le shit puis les ch'tenis. Nique vous et l'évolution du im c'est in du dit j'ai in. Réponds pas que c'est le dirty et les bling bling. Alors range ton gun, t'as des gaines et des govas. Arrête de me montrer ton genre, arrête tes cola. Ya sé cuánto les cuesta entender esta manada. No es mi culpa que esos hippies se les secaran las flores. Venas se rebalsan de sangre cuando escribo. Emociones para el público al estilo Jerry Hendrix. Si no lo sientes jamás tuviste adentro. Lápices nos cuentan lo que sucedió en la calle. Detalles son factores que hicieron diferencia de ser solo uno más. De MC, MC, MC, ça change depuis MC. MC, más fuerte que guerrero al ataque MC, fait unité dans tous nos couplets MC, MC, MC, MC, MC, MC. De la calle compañero d'aventura MC, parce que j'ai la foi pour ça MC, que describe cada trozo de su vida MC, MC, MC, MC, MC, MC, MC, même si ça change depuis MC, más fuerte que guerrero al ataque MC, fait unité dans tous nos couplets MC, MC, MC, de la calle compañero d'aventura MC, parce que j'ai la foi pour ça MC, que describe cada trozo de su vida MC, MC, MC, MC, surfing sur le ring, le feeling de la rime. Pas le king ni la victime, je veux juste être digne. Pas de frime dans mon art, c'est avec le cœur. C'est tout ce qu'on a pour exprimer nos malheurs. Pas de rappeur sans rime, ni cœur à leur pote. Mais leur de la value style pour les épater. Mais leur cœur ne suivra pas. Mec tu vois, tu l'as ou tu l'as pas. Me fais pas un tabac avec mon saut de la base. Et ta base es mi compromiso. Quieres conocer cuánto vale un MC. Entonces no me hables, escucha mi CD. Tipos como yo no sirven para conversar. Más odio que amor, te aseguro encontrarás. Y si es que algo queda, el rap ya lo robó. Noches de semana me visita con mesura. Comparto el dolor y la alegría de la vida en un track. Dis pas que j'suis pas MC sans être de la tête. Un regard jam, siroquine, squad assassin. Dis pas que j'suis pas MC car j'suis tout cassé sous. Pense à bien regarder le gangsta Snoop. Dis pas que j'suis pas MC car je suis blanc. Cool, Shanaka, H, Eminem font-ils semblant. Sachant que ce sont un peu des piliers. Quand j'aurai rappé, les autres m'auront oublié. MC, MC, même si ça change depuis MC, ma fuerte que guerrero à l'attaque MC, fait unité dans tous nos couplets MC, MC, MC, MC, de la calle compañero d'aventura MC, parce que j'ai la foi pour ça MC, que describe cada trozo de su vida MC, MC, MC, MC, MC, MC, même si ça change depuis MC, ma fuerte que guerrero à l'attaque MC, fait unité dans tous nos couplets MC, MC, MC, MC, de la calle compañero d'aventura MC, parce que j'ai la foi pour ça MC, que describe cada trozo de su vida MC, MC, MC, MC. Hey yo, eso es un MC, desde la street, un poeta que describe todo lo que pasa a su alrededor. 2007, surfing Dido 701.